Bonjour, bonjour, mon chéri, bonjour. Chaque matin, réveille-moi, embrasse-moi. Bonjour, bonjour, mon petit amour. Voici la vie qui sème la joie. Regardant, l'amour est comme un enfant, fou de caresses, fou de tristesse. Il arrive, court et s'en va. Dans ses plus beaux atours, la vie reprend toujours, pleine de jeunesse, d'allégresse. Passe et va. Bonjour, bonjour, mon chéri, bonjour. Chaque matin, réveille-moi, embrasse-moi. Bonjour, bonjour, mon petit amour. Voici la vie qui sème la joie. Comme ces grands cocotiers balance enivrée, nous si fragiles sans équilibre. Oui, nous nous tendons les bras. Notre amour a grandi au fil des jours et des nuits, et la jeunesse, l'allégresse reste là. Bonjour, bonjour, mon chéri, bonjour. Chaque matin, le monde entier, je veux te donner. Bonjour, bonjour, mon petit amour. Merci à la vie qui se penche sur moi. Bonjour, chaque matin, réveille-moi, embrasse-moi. Bonjour, bonjour, mon petit amour. Voici la vie qui sème la joie. Bonjour, bonjour, mon chéri, bonjour.